Face à Babylon, on ne lâchera jamais rien, non man. Non, non, non, non. Non, non, non, non. C'est quoi cette vie qu'on mène? On se démène, mais c'est toujours la même. À la fin, on nous malmène. C'est quoi cette vie qu'on mène? Y'a quoi se faire du souci quand tu vois où il nous mène? C'est quoi cette vie qu'on mène? On se démène, mais c'est toujours la même. À la fin, on nous malmène. C'est quoi cette vie qu'on mène? Y'a quoi se faire du souci? On est dirigé par le plus dangereux des vampires. Ils contrôlent la finance, la justice et les médias. Bientôt tu ne seras plus tranquille chez toi. Ta case sera truffée de caméras. Mec, mec, bienvenue chez Big Boza. Tout le monde est sous pression, tout le monde va qu'écras. Il y a un problème mais ça ne les dérange pas. C'est la loi du chacun pour soi. C'est quoi que cette vie qu'on mène? On se démène mais c'est toujours la même. À la fin on nous malmène. C'est quoi que cette vie qu'on mène? Y'a quoi se faire du souci quand tu vois où il nous mène? C'est quoi que cette vie qu'on mène? On se démène mais c'est toujours la même. À la fin on nous malmène. C'est quoi que cette vie qu'on mène? Y'a quoi se faire du souci, oui. Travailler plus pour gagner plus. Lancement du processus. Tu sais jusqu'à l'épuisement. Well, c'est ça l'astuce. On le sait qu'on sera jamais des Crésus. On rêve pas tous de Mercos, de Lexus. No, on veut juste une vie normale. Vivre correctement, well, de notre travail. Mais elle est là la faille. Je ne vous mens pas en vous disant que ça déraille. C'est quoi que cette vie qu'on mène? On se démène mais c'est toujours la même. À la fin on nous malmène. C'est quoi que cette vie qu'on mène? Y'a quoi se faire du souci quand tu vois où il nous mène? C'est quoi que cette vie qu'on mène? C'est quoi que cette vie qu'on mène? C'est quoi que cette vie qu'on mène? Y'a quoi se faire du souci quand tu vois où il nous mène? Je ne marche pour aucun parti politique. Moi c'est l'amour qui guide mes pas. Well done. Je ne marche pour aucun parti politique. Reggae music qui guide mes pas. Well done. Je ne marche pour aucun parti politique. Moi c'est Jaja qui guide mes pas. Well done. Je ne marche pour aucun parti politique. Non. Je ne marche pour aucun parti politique. Marianne se prostitue et donne son cul pour quelques euros. Ceux qui la gouvernent gèrent leur business comme des macros. Hors de question qu'on devienne des gigolos. Ça me fait peur car c'est tous des rigolos. C'est Magouille à gogo, mais qui touche le magot. C'est pas toi ni Pago, c'est pas moi ni Mago. On ne veut pas non amasser des lingots.